Qu'est-ce que je vous sers? Voyons. Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini. C'est italien, ça, non? L'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. Oh, c'est ça, je vais prendre un Kir. Et pour monsieur? La même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Ah, oh, le Pernod, j'adore ça. Ah, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. Pourquoi Mireille ne prend-elle pas de Pernod? Parce que c'est un peu trop fort. Je vais prendre un Kir. Qu'est-ce qu'elle prend finalement? Un Kir. Et pour monsieur? La même chose. La même chose. Et Robert? La même chose. Alors vous faites de l'histoire de l'art? Oui, j'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Déjà toute petite, à l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleurs et je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. J'étais imbattable, c'était moi la championne de ma classe. Et j'ai gardé le titre jusqu'à la fin de l'école maternelle. Plus tard, à l'école primaire, l'institutrice nous a montré des reproductions de peintures murales de Matisse. Transportée d'admiration, le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. J'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Pourquoi Mireille fait-elle de l'histoire de l'art? Parce qu'elle a toujours aimé le dessin et la peinture. À l'école maternelle. Je plongeais les doigts dans les pots de couleur. Avec délice. À l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleur. Je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. Qu'elle aimait faire à l'école maternelle? Elle aimait plonger les doigts dans les pots de couleur et barbouiller d'admirables tableaux abstraits. À l'école primaire, l'institutrice nous a montré des peintures de Matisse, des peintures murales. Des reproductions de peintures murales. À l'école primaire, qu'est-ce que l'institutrice a montré aux enfants? Des reproductions de peintures murales de Matisse. Le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Qu'est-ce que Mireille a fait le soir chez elle ? Elle a entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de sa chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. Est-ce que ses parents ont aimé ces fresques ? Non, ils n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. Est-ce qu'on apprécie les artistes en France, d'après Mireille ? Non, ils sont incompris.